J'ai grandi dans ça. Les bons, les mauvais, on les reconnaît très peu. Les bons, ils ont l'air perdre de loin. Les bananes, on s'y attend pas. J'ai gardé l'œil sur chacun d'eux. La peur me faisait parler saccadé. Ils ont pas l'air de me saquer, mais je suis paré pour un sale quart d'heure. J'ai grandi dans ça. Les 5, 20, les bons, se paient pas d'avance. Les brasses, les parlent. Les quartiers partent quand les gamins s'agitent. Ne bronche pas contre tes nouveaux ou sur tes gentils. Se jette. Mon quartier libère la haine et c'est pas le maire qu'on respecte. Stalingrad, le QG pour les inspecteurs. Ils ont planté des pointeurs, mais les dealers sont des acteurs. Et j'ai grandi dans ça. Les parents n'ont pas un sou. Et c'est la rue qui t'en donne. Tu prends les coups et t'y prends soin. A chacun sa solution, les portes s'ouvrent et se ferment. La permission d'un soir pour finir au ch'tard parce qu'elle a des formes. A chacun sa solution, les portes s'ouvrent et se ferment. La permission d'un soir pour finir au ch'tard parce qu'elle a des formes. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Pour pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Pour pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai le mal de la rue et ses symptômes me pompent l'air. J'ai grandi dans ça, dans les halls du clos Saint-Lazare. Mais pas dit qu'on cherche l'or, on évite on l'erreur. Les gars dit t'endors, ouvre les yeux qu'à l'aurore. J'suis pas fan de ce que j'avance car la plupart n'ont pas le choix. On grandit rarement d'un frangin autour de coups, pote la croix. Tu sais, j'ai grandi dans ça et ne crois pas que je n'en vis plus. Aujourd'hui mes potes sont rares ou me font peur. À défaut d'avoir le bras trop long, je remarque ma vie est martelée. L'époque que l'on vit est pleine de vie, je trouve pas ça mortel. Rien de tel qu'un proche pour t'éliminer. Commence une histoire grande comme la famille Traoré. J'ai grandi dans ça, qu'est-ce que je peux faire? Je n'avais que 15 piges, l'école t'en a marre. Le rap t'aime mais c'est un piège. Tu vas y laisser des sous, des amis, peut-être même ta famille. Briller comme une étoile, ce n'était qu'un leurre, faut pas t'enflammer. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. Le bonheur vient quand on s'y attend pas. J'ai l'impression qu'il s'en tamponne. Et j'ai grandi dans ça, dans un taf de merde et à temps plein. J'en garde un souvenir merdique pour ne pas cracher sur l'oseille. Les brûlures sur ma peau pour éviter la bac au réveil. J'ai grandi dans ça, maintenant je marche avec le club des 7. Tout ça m'emmènera en terrain spécial pour vous et des textes. Là où je viens, trop de gens oublient le s'il vous plaît ou merci. J'ai grandi dans l'incertitude, donc je vous dédie ce morceau. Ce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, je serai l'exemple. Marcher loin de l'argent sale, c'est pas si simple. Quand tu grandis dans ça, on te voit des gens enfermés. Vaut mieux fermer ta grande gueule, je suis sur la voie des métiers femmes. Et je donne exemple aux hommes et femmes qui parlent rap sans forme. Et croire en une fée, c'est mieux que sur le banc rester à fumer. Je donne exemple aux hommes et femmes qui parlent rap sans forme. Et croire en une fée, c'est mieux que sur le banc rester à fumer. J'ai grandi dans ça et je montrerai l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai grandi dans ça et je montrerai l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français. J'ai grandi dans ça et je montrais l'exemple. Faut pas que les belles choses me gâtent ou me rendent excentrique. Le bon Dieu me regarde et voit que je veux avancer. Mais les bons deals sont durs, surtout quand t'es pas français.